une histoire particulière. Au XIXe siècle, la croissance est foudroyante. La révolution industrielle est une véritable manne qui crée de nombreux métiers. De nouveaux secteurs embauchent à tout va, en particulier dans les banques et les administrations. À l'époque, on appelait ce métier commis aux écritures, métier principalement masculin. Puis au XXe siècle, surtout à cause des guerres, ce sont les femmes qui vont investir ces métiers. Après l'apparition de la machine à écrire, les choses vont aller vraiment très vite avec la naissance de la sténodactylo. À l'époque, l'argument est que comme les femmes savent jouer du piano bien mieux que les hommes, elles seraient nettement prédisposées à exceller dans ce genre de poste. Après plus d'un siècle, et bien que l'eau ait coulé sous les ponts, la secrétaire reste toujours la secrétaire, comme vont nous le raconter tout de suite Charlotte Pouche et Anna Schmuck. Allô, la boîte 9041. Oui, mademoiselle. L'association Neige et Soleil. Oui, mademoiselle. Bonjour, madame, je suis la secrétaire de monsieur Imbert. Oui, de quel hôtel, je vous prie? L'hôtel Les Mélèzes à Var-Sainte-Marie, dans les Hautes-Alpes. Oui, d'accord. Madame, nous avons bien reçu votre lettre du 25 janvier. Ça demande quand même un certain sens des responsabilités, de la nuance. Très rapidement, il faut situer l'interlocuteur, savoir ce qu'il va falloir lui répondre, enfin bien comprendre son message. Il faut être discrète et puis, c'est pas la secrétaire qui prend la décision, mais quelquefois, elle peut aider le patron à prendre la décision. La vie que nous avons maintenant en tant que dirigeant est tellement compliquée, inattendue, incertaine, qu'il est important d'avoir quelqu'un qui calme le jeu. Je crois que c'est tout à fait le rôle d'une collaboratrice que d'être une organisatrice d'ordre. Je crois d'abord qu'une secrétaire doit savoir garder des secrets. Je crois ensuite que si une secrétaire doit être l'esclave de son patron et savoir l'être, le patron doit aussi savoir être l'esclave de sa secrétaire et accepter quelquefois certaines de ses observations. La secrétaire doit tenir compte tout le temps de l'humeur de son patron. Elle sait tout sur son patron ou sur sa patronne si c'est une femme. Elle sait tout sur ses collègues, elle sait tout sur la vie du bureau, le système dans lequel elle est. Mais elle est tenue au secret professionnel, donc ça fait partie du travail. C'est un petit peu un sacerdoce quelque part. Vous ne savez pas, enfin, vous savez tout sans savoir. Les secrets d'une secrétaire. Nadine et ses 97 CDD et 3 CDI. Déjà le secret, il y a déjà le mot dans le mot secrétaire, il y a le secret, donc il y a la discrétion. La discrétion de son travail dans l'entreprise. Il y a un certain recul, une certaine discrétion qui requiert au nom de la secrétaire et au métier de la secrétaire. C'est une protection de l'entreprise, c'est une protection peut-être aussi d'une façon d'être en retrait par rapport à un patron, c'est une façon de travailler dans l'ombre. J'ai pas fait ce métier par défaut. J'étais pas une élève, une très bonne élève, donc je me souviens que mes parents avaient été convoqués en disant « Nadine, elle peut pas passer en sixième, elle a un niveau trop bas et il faut prévoir pour elle une fonction de plutôt de dans la couture ». J'étais pas du tout manuelle, mais préparer un CAP de couture. Et maman avait dit non, je veux pas que Nadine soit dans la couture parce que j'étais prédestinée à être surjeteuse, piqueuse, surjeteuse. Donc j'avais pas le choix. Je me suis dit non, le moindre mal c'est de devenir secrétaire. C'était plutôt une ascension quelque part dans le milieu dans lequel j'ai évolué. Josiane Pento, chercheuse, psychologue du travail. Tout évoque la raison pour laquelle elles sont devenues secrétaires. C'est-à-dire, en gros, il n'y a pas de raison, c'est-à-dire c'est faute de mieux. J'étais pas bonne à l'école, j'ai pas fait assez d'efforts, donc je me suis retrouvée secrétaire. Une phrase qui est revenue très souvent, c'est « Je suis secrétaire depuis que mon père m'a dit que j'étais secrétaire ». Secrétaire, c'est bon pour une fille. Secrétaire, c'est un métier de fille. Tu es une fille, donc tu dois faire secrétaire. Si tu peux voir un homme démolir tes dossiers et sans dire un seul mot te mettre à reclasser, si tu sais seconder l'homme en difficulté sans devenir sceptique quant à sa qualité, si tu sais être belle sans t'en rendre emmerdante, si tu peux être vive mais jamais impatiente, très expérimentée sans avoir pris de l'âge, aimable et souriante même avec un sauvage, Si tu sais conserver l'orthographe qu'il perd, taper, penser, noter, téléphoner, tout faire, si tu peux accoucher à l'heure du déjeuner, n'avoir que des enfants contre tout vaccinés, si tu sors d'HEC sans prétendre à la gloire, si tu as fait Sciences Po sans en faire une histoire, alors mieux qu'ingénieur, architecte ou ministre, mieux qu'Omas voué au célibat, à jamais protégé des sommets où lui brille, tu seras secrétaire, ma fille. J'ai pendant longtemps porté la jupe crayon et le chemisier, c'était indissociable. Mais il y a une chose qui m'étonne, je ne vois pas une seule de vos élèves en pantalon. Comment se fait-il ? Quelle affreuse question ! Il y a certainement des entreprises comme celle cinéma, publicité, art, tout ce que vous voulez, où le pantalon est normal. Mais dans beaucoup d'autres, je crois que lorsqu'on approche le sein des seins, la direction générale, on n'apprécie pas du tout que la secrétaire dite supérieure, ou de direction, si c'est le terme à la mode, soit en pantalon. C'est la seule raison. Nous voulons les déshabituer de prendre systématiquement cette allure un peu garçon qui ne plaît pas toujours. Le pantalon est venu beaucoup plus tard, je dirais dans les années 2000, pas si vieux que ça. Et après, je suis passée au jean. Pour vous, c'était une manière de... Oui, de m'émanciper, oui, effectivement. Oui, oui, de... Oui, de m'émanciper, oui. J'ai pris le temps. La, si, do, ré, mi, fa, z, e, r, t, s, je me souviens, c'était assez strict. Il y avait beaucoup de rigueur dans ce métier, dans cet apprentissage. Et je me souviens très bien qu'on devait rester droite pour faire le tac-tac. Tac-tac, tac-tac. Tac tac, c'est mieux que. Tac tac tac tac. Vite. On tapait sur le Rigmington, je me souviens, donc il était assez dur. Donc, comme j'étais très fine, je me souviens que c'était presque une douleur de taper à la machine. Je ne tapais pas avec mes 10 doigts. Puisqu'il fallait appuyer très fort sur les touches, je me souviens. Donc, j'avais des doigts très fins, donc mes doigts passaient à travers les touches. Donc je tapais avec deux doigts très vite, c'était d'ailleurs incroyable. J'ai quand même acquis une vitesse assez importante. Que c'est dur d'être secrétaire. Faut pour sûr un bon caractère. Les ratures, faut jamais. Voilà. Et il m'appelait dans mon bureau, je tapais en sténo ou en écriture rapide, parce que la sténo, ça a été toujours un peu ma bête noire. C'est dire. Et puis, je les transcrivais à la machine. Ça me mettait du temps, parce que finalement, on arrive toujours à faire une faute. Même la meilleure des secrétaires, en début de carrière, j'arrivais toujours à faire une faute. Donc, un courrier, c'était à peu près un quart d'heure. Ben, je mettais une demi-heure pour faire un courrier parce qu'il a fallu que je le recommence. Quoi. Alors, Françoise, vous êtes où ? Ben, j'ai terminé, ça y est. Alors, c'est un peu dommage parce qu'il y a une modification à apporter là, au dernier paragraphe. Ah. Il faudrait rajouter thermique après isolation. Hein. Ça, c'est très important. Bon, d'accord. C'est pas grave. Ben, faut que je recommence à taper ma page, quoi. Il y avait des carbones, hein, c'était des feuilles avec des pelures et un carbone. Mais la faute, elle était faite. On avait beau la gommer, ça se voyait. Donc, pour l'image d'entreprise, c'est pas trop top. À l'époque, c'était très important. Donc, je la recommençais. Donc, beaucoup de temps. Alors, il faut enlever les S qui se trouvent sur support magnétique. Premier paragraphe. Mais... La tension a tendance à s'accroître dans le troisième. Alors, vous effacez le S, là, par un blanc. Et puis après, on a acquis la vitesse, l'expérience, l'aisance, la tranquillité. Et là, on fait quasiment plus de fautes. À la page régionale, Nantes est la fin d'une grève de 2 mois des dactylos codeuses de l'INSEE. Elles étaient 48 à avoir arrêté le travail à l'Institut National de la Statistique pour que l'on tienne compte de leur fatigue oculaire. Désormais, ces dactylos de l'informatique passeront 5h30 au lieu de 7h devant leur écran, l'une d'elles au micro d'Hervé Debois. Au bout d'un mois de travail dessus, tout de suite, pratiquement toutes les filles avaient les picotements aux yeux, en fait. On avait les yeux qui pleuraient, des maux de tête, on avait mal aussi au cou et au dos. Et ça, c'était à force de regarder tantôt le clavier, tantôt le document, tantôt l'écran, quoi. Toutes les filles, hein, ça... Oui, alors on a réussi à faire admettre que c'était un travail fatigant et à faire descendre la durée de travail sur écran en dessous de 7 heures. Et l'arrivée de la machine électronique et des ordi... Qu'est-ce que ça a changé dans le métier ? On a multiplié les tâches. En fait, de la secrétaire. Elle était globalement bornée, si on peut dire les choses comme ça, à taper tout en longueur de journée. Et là, il y a eu une amplitude des tâches. Donc, les courriers, on n'avait plus besoin de nous les dicter. On le faisait nous-mêmes. On suivait des dossiers de A à Z, que je ne le faisais pas toujours les premiers temps dans les entreprises. Parce que le temps de taper les lettres, eh bien, prenait déjà beaucoup dans la journée. Donc, les tâches de la secrétaire, dans mon cas, se sont multipliées et ont été une certaine richesse. J'ai aimé mon métier, c'est incroyable. Mais parce que je pense qu'au niveau scolaire, je revenais tellement de loin que finalement, pour moi, eh bien, c'était une solution, un certain bonheur. J'étais pas à l'usine, finalement. J'étais dans un métier propre, dit propre. Je voudrais vous demander, monsieur, monsieur Bongrand, bien sûr, ce que sera pour vous la secrétaire de l'avenir. Est-ce que, par exemple, on ne pourrait pas l'appeler Electronics ? C'est sans doute la solution du CICOB. Mais pour moi, rien ne remplace la femme. On aurait pu imaginer que, du fait de ces nouvelles technologies, le métier pourrait passer... Enfin, sinon passer du féminin au masculin, mais en tous les cas, comprendre un nombre important d'hommes. Alors en fait, l'effet le plus décisif de la diffusion des nouvelles technologies a certainement été de rendre plus visible tout un ensemble de fonctions officieuses qui étaient remplies par les femmes secrétaires, à commencer par la gestion en souplesse des relations sociale, quotidienne et des échanges avec l'extérieur et dans l'équipe de travail. Et ça, c'est la partie féminine du métier. Donc là, aujourd'hui, j'ai retrouvé exactement les mêmes chiffres. Entre les enquêtes de l'INSEE de 1982 et 2014, le taux de féminisation est resté tout à fait stable. Et à savoir 97-98%, c'est-à-dire le taux le plus élevé après les assistantes maternelles et les employés de service. J'ai caché mon tailleur blanc en changeant le ruban. J'ai filé mes bas du haut jusqu'en bas. Je peux pas sortir comme ça. Hier, le sous-directeur m'a offert quelques fleurs. Il m'a demandé si je pouvais rester. Je préfère être la secrétaire d'un lieu, en général, plutôt que d'un homme. Oui, je me sentais plus libre d'être la secrétaire d'un lieu. J'avais pas besoin de demander ce que je devais faire, si c'était bien, si c'était mal. Alors qu'avec la secrétaire d'un seul patron, eh bien, on est amené à avoir une relation dans la journée pour faire un point, presque à se justifier. Voilà, c'était de la liberté en moi. Je crois que j'aimais ça dans cette évolution-là. Et je pense que ça, c'est dû à l'ordinateur. L'entrée de l'ordinateur, où le patron, il n'a pas le temps de s'occuper de la secrétaire. Il a autre chose, d'autres chats à fouetter, hein, que d'aller regarder s'il y a une faute sur la lettre. C'est bon, quoi. Parce qu'au début, c'était attaché à ce qu'on vienne. À partir de 5h30, vous apportez le dossier. On avait un parapheur avec tout le courrier qu'on avait. Puis on était debout devant son bureau. Il signait chaque courrier. On était comme à l'école, quoi. Je me souviens, ça me plaisait pas d'avoir à contrôler son agenda. Ça me plaisait pas non plus de devoir prendre un billet de train ou un billet d'avion. Ça me plaisait pas. Par exemple, si j'étais seule avec un patron, il pouvait me dire « Oh ben, Madame Rogue, faites-moi ceci, faites-moi cela. » Et c'était dans l'instant T. Donc, je devais laisser en place ce que j'avais à faire pour satisfaire la demande de monsieur. J'ai besoin de ça, d'urgent, de façon urgente, faut me le faire tout de suite. Je n'aimais pas cette façon de faire. Alors que dans le travail, notamment mon dernier emploi, il y avait un travail de secrétariat pur, de technique, de relation, d'interface avec les autres, à l'interface avec les autres services, même si j'étais toute seule dans mon bureau, qui était beaucoup plus vivant. Bon, alors après, moi, il y a un truc que je ne supporte pas particulièrement. Voilà. Il y a un bureau, il y a un système de sonnette là aussi. Et pour appeler, il a un système de sonnette avec le pied. C'est très joli, mais enfin, moi, personnellement, je ne suis jamais très bien adaptée à ça. Bon. Quand quelqu'un prend un pot à côté, par exemple, le PDG trouve tout à fait anormal. Si, par exemple, moi, je ne le sais pas, quand il rentre et qu'il trouve les verres sur son bureau, c'est un crime de lèse-majesté que de ne pas avoir pensé à retirer les verres et à s'en être occupé. Des petits détails. Est-ce que ça vous est arrivé de recoudre un bouton? Enfin, pas pour vous. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Oui. Oui. Prenez, si tous les jours on m'apporte un bouton à recoudre, je finirai par dire non, écoutez, vous avez quelqu'un chez vous. Non, il faut qu'on me parle. Mais on peut penser que c'est un accident, quand même. C'est ça. Effectivement. Josiane Pento. J'ai commencé à travailler sur les secrétaires à la fin des années 1970. J'ai travaillé pendant plusieurs décennies. Ce qui m'intéresse, c'est la condition, c'est-à-dire la situation de la secrétaire par rapport au monde du travail, par rapport au patron, par rapport à sa famille. J'ai réalisé des centaines d'entretiens avec des secrétaires et avec des patrons. Alors, lorsque je prenais contact par téléphone avec la secrétaire pour un entretien, elle était extrêmement étonnée que je prenne contact avec elle. J'arrivais à l'accueil et je demandais où est le bureau de Madame Untel. Alors là, à nouveau, mais c'est pas Madame Untel, vous voulez voir Monsieur X. Non, Madame Untel. Ah bon, mais pourquoi vous voulez la voir? Je veux la voir parce que je fais une recherche sur les secrétaires et nous devons parler ensemble. Une recherche sur les secrétaires? Les secrétaires, ça bosse. On fait pas de recherche sur les secrétaires. Une secrétaire, elle est invisible, elle est même innommable. On ne dit pas son nom, on dit le nom de son patron. Invisibilité. Lorsque j'ai réalisé des entretiens avec les patrons, donc dans l'immense majorité des cas, il s'agissait d'hommes, plusieurs d'entre eux, à certains moments, me parlaient de leur secrétaire qui était présente dans le bureau comme d'un meuble. D'ailleurs, secrétaire, il y a aussi en français le sens meuble. Un ou une secrétaire, ça peut être un être humain ou un meuble. Et là, vraiment, on me parlait d'un meuble en présence d'un être humain. La secrétaire ne parle jamais en son nom propre. Elle est toujours dans les coulisses, en deuxième ligne. Et même si elle prépare un travail, un dossier absolument parfait, s'il est parfait, ce sera le dossier de son patron. S'il y a des erreurs, les erreurs faites par le patron, ce sera les erreurs de la secrétaire. C'était la première fois de leur vie qu'elle répondait à un entretien où c'était elle le centre de la discussion, où c'était elle passait du statut d'objet au statut de sujet. Toi, toi, toi, sois belle de toi. Est-ce qu'on vous a demandé, dans votre longue carrière de secrétaire, au sein de l'entreprise, des tâches domestiques à faire. Oui, parfois. Effectivement, donc j'ai eu à préparer le café, effectivement, à apporter des boissons fraîches, des boissons chaudes, acheter des fleurs. Il m'est arrivé d'aller acheter des fleurs pour décorer une salle parce qu'on recevait des clients. Il m'est arrivé, on m'a eu demandé aussi, une ou deux fois, d'être bien habillée. Ça, je me souviens, d'être en tailleur, effectivement. J'ai servi un peu de pot de fleurs. Effectivement, j'étais un peu potiche. Il m'est arrivé, une fois. Et j'ai travaillé dans un cabinet d'avocat. Il y a eu beaucoup de turnover dans ce cabinet. J'étais avec notre secrétaire qui, le vendredi après-midi, consacrait son après-midi au ménage du cabinet. Donc, c'était assez grand et des toilettes qui étaient plutôt rudimentaires et où on n'avait pas, il n'y avait pas la chasse, il y avait un seau d'eau. Et il ne me l'a pas demandé personnellement, mais c'est la secrétaire qui était en place, m'avait dit, c'est un travail qui nous est, c'est pas indiqué sur le contrat, mais qui est demandé à la secrétaire. Et je ne l'ai jamais fait puisque j'étais en intérim. Donc vous avez refusé un CDI ? J'ai refusé un CDI. Pour ne pas subir ces tâches-là ? Oui. Qui évidemment n'étaient pas inscrites dans le contrat ? Qui n'étaient pas inscrites dans le contrat. Donc la boîte d'intérim, c'était peut-être aussi une manière de vous protéger ? Oui, ça me donnait une certaine aisance et de liberté. Difficile de se remémorer tout ça. Mais quand on regarde, oui, il y a beaucoup d'emplois où je suis toute seule. On peut regarder. Tivon, j'étais toute seule. Sonifère, c'est une grande entreprise. Phoenix, j'étais toute seule. TAR, on était deux. Fac, toute seule. Redoute, on était deux. C'était toute seule, coup d'œil, j'étais toute seule. Toit familial, on était peut-être un peu plus nombreuses, mais j'étais toute seule dans un coin à part. La Star, j'étais toute seule. Barrican, j'étais toute seule. Il y avait pas mal de secrétaires, mais j'étais toute seule dans un bureau. Donc finalement, j'étais souvent toute seule. Et là, à Barrican, je me souviens, j'avais des comptes à rendre aussi. Il fallait que j'apporte mon parapheur. J'ai signé. Expert, j'étais toute seule. Tricot, pour porter, on était nombreux là. Mais là, j'ai travaillé toute seule avec une secrétaire. Tricot, j'étais toute seule. Chambre de commerce, j'étais toute seule. Salazar, j'étais toute seule. Fabrichon, j'étais toute seule. Donc voilà, et je préférais une grande entreprise. Donc j'ai fait au fur et à mesure de mes missions, j'ai fait un tableau pour quantifier et puis pas perdre la mémoire justement de ces emplois. Donc chaque contrat de travail que j'ai acquis, j'ai marqué le nom de l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé. Combien ? 97. 97 missions dans 78 entreprises. De l'âge de 20 ans jusqu'à mon dernier emploi où j'y suis restée 17 ans. Donc vous faites le calcul, donc ça fait 39 ans de secrétariat et 24 ans de précarité quand même. Oui, parce que c'était des contrats à la semaine, au mois. Et effectivement, il y avait toujours ce souci d'être dans la recherche. Alors au début, c'était un choix. C'était une épreuve quelque part en soi, mais c'était un engagement total, je me souviens, de ma part, puisqu'il était hors de question que je fasse passer ma vie extra-professionnelle en premier. Donc c'était d'abord mon travail. Je travaillais avec beaucoup de procédures, c'est-à-dire que quand on arrivait à m'expliquer l'emploi, s'il y avait quelqu'un qui pouvait me le transmettre, eh bien, je prenais énormément de notes, et je établissais des fiches de tâches pour que très rapidement je puisse être autonome. Ça, c'était d'une importance vitale. Je les retranscrivais, je me souviens, chez moi quand je rentrais, et je me faisais des cahiers. Pour moi, ça m'a fait quelque part un peu grandir. cette précarité, probablement. Ça m'a fait prendre conscience que le monde du travail, eh bien, il fallait que je l'acquiesse par mon propre moi, par mon propre travail. Il fallait que je démontre, que je prouve, que je fédère une image. Probablement, ça m'a peut-être aussi appris à me construire. Probablement. Effectivement, et j'étais obligée d'être un petit peu dans la lutte, effectivement, quelque part, un peu dans le combat de la formation, de l'apprentissage. Ça s'arrêtait jamais. Oui. Oui. Oui. Oui. Le Gomina, il n'est pas chouette. Oui, oui, oui. Non, mais je vais voir et puis je vais leur dire qu'il y a un problème avec le film. Hein. Ça, c'est la. Ça, c'est le bijou de Belmaille, ça. Donc, moi, j'ai toutes les qualités de Belmaille. Il est 1985. Qui montre les qualités du tissu et tout, comment il faut le faire, comment il faut le fabriquer. Et après, depuis vos 97 CDD 56. Et 2 CDI, mmh. Racontez-moi, vous avez signé un CDI. Oui, j'ai été sélectionnée parmi 15 secrétaires, je me souviens à l'époque, une bonne dizaine. Et je voulais absolument cet emploi parce que j'avais près de 40 ans. Et j'ai senti que là, c'était le temps de me caser, que je ne pourrais pas faire l'intérim in aeternam. Je me souviens que mon supérieur, je lui ai dit, c'est moi que vous devez choisir. Alors il m'a dit, vous êtes la 9e ou 10e, on a encore 2 personnes à voir. Je dis, c'est moi. Et il me l'a dit après, il me l'a dit, mon chef de service, il m'a dit, je vous ai choisi parce que vous avez eu ce langage-là. Donc d'un coup, je me suis un peu réveillée, j'ai dit, c'est moi, et c'est moi pour ce poste-là. Ça indique tout, le modèle du tissu, le dessin, comment il a été fait. On l'appelle la perle de l'Europe, Belmaille. Oui, oui, oui. Et tout ça, c'est moi qui le fais. Tout ce qui est créé chez Belmaille, je l'archive. Donc c'est sur disquette, hein, donc tous les soirs, elles enregistrent tout ce qui a été fait dans l'informatique. Elle sauvegarde, c'est dans des armoires coffre-fort. J'ai eu une formation en interne, puisque c'était vraiment unique à l'entreprise. Donc, l'essentiel, c'était la décomposition des tissus, effectivement. Quand ces tissus étaient décomposés, eh bien, il fallait rentrer toutes les données dans l'ordinateur, il fallait rentrer les qualités nouvelles de l'entreprise qui arrivaient. Il y avait des créations de qualité de coloris à rentrer dans l'ordinateur. Il y avait quand même beaucoup de données à rentrer dans l'ordinateur. Voilà. Et votre métier a évolué ? Oui, énormément. Énormément. Parce qu'après, je suis passée à une phase quasiment commerciale dans la foulée, où je gérais mon propre service, toute seule comme une grande. Mais c'était un métier qui vous plaisait ? Ah, j'adorais, parce que j'étais indépendante. Je travaillais seule. Je ne demandais aucun compte. On ne demandait aucun compte. Le travail se faisait. Et on ne me demandait pas, faut faire pour aujourd'hui, pour demain. Non, non. Ça changeait ? Je faisais un travail qui changeait tous les quarts d'heure. Donc, c'était vraiment, quelque part, en termes professionnels, le bonheur. Le bonheur parce que j'avais une responsabilité. Et j'avais pas quelqu'un qui était sur le dos en me disant il faut faire ceci, il faut faire cela, donc je gérais à moi toute seule. C'était Secrète Secrétaire, acte 1, avec Nadine Rogg et Josiane Pento. Recherche INA, Gwen Michel. Extrait du film Populaire. Prise de son. Mathieu Perrault et Andreas Jaffre. Mixage, Bruno Mourlan. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire proposé par Charlotte Pouche, réalisé par Anna Smuk. Acte 2. Nadine, la lecture pour survivre. Demain à 13h30 se poursuivra le second épisode de Secrets de secrétaire et l'histoire de Nadine. Mais pour l'instant, c'est l'heure de votre séance cinéma avec Antoine Guillot.